CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez CIFOU.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. David Ferron viendra nous faire découvrir de la musique, une entrevue très spéciale pour discuter alcool, et Mathieu Plante sera avec nous. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 4 avril. Reste simplement 23 jours avant la fin de l'année scolaire. On lance vraiment les dernières activités là, de ce côté-là, je le sens. On est en direct des studios Tifou à Trois-Rivières. Je m'appelle Tania Baudin. Je vous souhaite un très bon matin. J'espère que, comme moi, vous avez votre café entre les mains. C'est simplement mardi, mais ça semble être un mardi quand même assez difficile à partir. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme ça que ça se passe présentement. Je tiens à remercier le band qui nous a fait l'intro de l'émission d'aujourd'hui. Si jamais vous voulez tous les détails, eh bien, c'est simple. Vous vous rendez sur le www.assemblagerequis.com. Et voilà, je vous ai déjà donné le plan de l'émission d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, un petit peu plus tard, on va avoir Mathieu Plante. En temps normal, on a Mathieu avec nous en ligne au téléphone vers les 9h. Eh bien, aujourd'hui, ça va être devancé tout ça parce qu'on a vraiment quand même un bon planning de l'émission aujourd'hui. Donc, Mathieu devrait être avec nous aux alentours de 8h, 8h05. Et vous allez peut-être avoir un segment complètement différent de ce que vous avez eu au téléphone avec Mathieu durant les dernières semaines. Je vous expliquais aussi que David allait être avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Donc, David Ferron, notre rédacteur en chef du Zone Campus. Mais aujourd'hui, en fait, il vient nous parler un petit peu d'alcool. Donc, on devrait avoir une entrevue avec David et aussi on va jaser musique, lui et moi, parce que c'est quelque chose qu'on aime quand même bien faire. J'ai l'impression qu'on va discuter Russie. Ça comme ça. Aussi, vous allez avoir un retour de l'actualité sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans les journaux hier et durant la fin de semaine aussi. Donc, on va faire ça quand même assez léger pour aujourd'hui, mais j'ai goût de vous offrir une nouvelle entrée du palmarès francophone que vous devriez entendre aujourd'hui, si tout se passe bien, un petit peu plus tard dans la journée. Mais on va aller commencer l'émission avec la nouvelle pièce de Tendre qui s'appelle « Se voir partir ». Tout ça dans Assemblage requis sur CIFOU 89 FM. se voir partir. Nouvelle entrée du palmarès francophone aujourd'hui même dans l'émission, un petit peu plus tard dans la journée, du groupe Tendre. J'adore ça. Ça part bien une journée, je pense. Peut-être même un nouveau petit coup de cœur aujourd'hui. Je dis ça comme ça. Je vous disais qu'on allait parler un petit peu de l'actualité. Ce qui a retenu mon attention, en fait, dans les journaux durant les dernières heures, donc c'est-à-dire soit cette fin de semaine, encore lundi, ou très tôt ce matin, parce que oui, je lis les journaux très tôt le matin avant de venir ici, au cas où qu'il se passe quelque chose d'existentiel et qu'on doit absolument en parler avec vous. Donc, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. En fait, ça s'est passé hier. C'est un article de la presse qui parle, en fait, d'une nouvelle explication à l'infertilité féminine qui serait liée à l'âge. Donc, vous savez, il y a plusieurs femmes qui ont de la difficulté à pouvoir avoir des enfants et dès l'âge de 35 ans, la fertilité des femmes commence à diminuer de façon quand même assez importante et les cas de fausses couches se multiplient. Le syndrome de Down, aussi qui est appelé trisomie 21, devient beaucoup plus fréquent à partir de cet âge-là. Donc, il y a des chercheurs du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, vous l'aurez deviné, le CRCHUM, qui ont réussi à identifier une nouvelle explication à ce fameux phénomène-là. Et les grands responsables seraient les microtubules, ceux qui s'occupent de trier les chromosomes. Donc, lors de l'ovulation, chez une femme qui est jeune, qui est en santé, l'ovocyte se sépare en deux cellules qui, elles, contiennent chacune la moitié des chromosomes. C'est ce qu'on appelle, en fait, le processus de ségrégation chromosomique. Et voilà qu'avec l'âge, la chorégraphie devient un petit peu plus difficile et les chromosomes ne se sont pas partagés à part égale. Ce qui cause en fait l'infertilité. On a découvert que les microtubules qui orchestrent justement la séparation des chromosomes sont anormaux dans les ovules qui sont beaucoup plus âgés. Ils vont dans toutes les directions et ils contribuent aussi aux erreurs de ségrégation. C'est ce qu'expliquait Greg Fitzharris, qui est un chercheur au CRCHUM et co-auteur de l'étude publiée aujourd'hui dans la revue Current Biology. On a observé que ce défaut se passait aussi chez les souris, mais le même phénomène se produirait aussi avec les ovules des femmes qui est plus âgée. Donc, avec cette découverte-là, la seule explication dans la communauté scientifique pour expliquer l'infertilité féminine liée à l'âge était celle avec la cohésion chromosomique et avec le temps, la colle, on dit entre guillemets, qui maintient les chromosomes ensemble, devient de moins en moins efficace, ce qui mène à un nombre inexact de chromosomes lors de la séparation des cellules. En fait, ce que la recherche démontre, c'est que le problème provient pas seulement des chromosomes, mais il peut aussi provenir des fuseaux qui séparent les chromosomes. Donc, nos chercheurs expliquaient que ce qui occupe également la fonction d'infertilité, c'est vraiment la séparation et la colle qui, en temps normal, va les tenir ensemble. Ça crée des ovules qui sont aneuploïdes, c'est-à-dire qui contiennent un nombre anormal de chromosomes et à ce moment-là, on a de la difficulté à pouvoir être fertile. Donc, ce sont deux problèmes qui sont quand même assez indépendants l'un de l'autre. Le problème de colle cause un certain type d'ovule qui est aneuploïde, comme je l'expliquais, et celui des fuseaux, un autre type d'ovule. Et ce sont deux chemins qui mènent au même résultat, c'est-à-dire l'infertilité. Donc, pour vérifier l'origine de ce défaut-là, on l'a fait, bien évidemment, chez les souris. Et les chercheurs ont échangé les noyaux d'ovules qui sont jeunes avec ceux des ovules qui sont âgés. Et le même problème s'est produit, les chromosomes n'étaient pas parfaitement séparés. Ce que ça démontre, c'est que l'âge maternel influence la alignement des microtubules indépendamment de l'âge des chromosomes. C'est ce qu'elle rapporte une des chercheurs qui travaille justement sur le projet, qui est Shoma Nakagawa. Et maintenant, ce qu'on comprend mieux, c'est la mécanique de la division des cellules sexuelles qui est en fait l'objectif et maintenant de rajeunir ces ovules-là et de renverser la tendance. Donc, c'est un pas de plus vers une longue route qui va permettre, en fait, à un certain point de pouvoir contrer l'infertilité, ce qui pourrait rendre plusieurs femmes très heureuses parce qu'on sait de plus en plus, les femmes, oui, à un certain moment, tu as de la difficulté à pouvoir avoir des enfants à un certain âge, mais plus tu veux une carrière et tout ça, bien, ça se fait de plus en plus. Les femmes commencent à avoir des enfants beaucoup plus vieux. Avant, on voyait ça dans les débuts vingtaine, mi-vingtaine, mais c'est plus rare de voir des femmes qui vont être enceintes à partir de la trentaine. Donc, c'est une situation, en fait, qui amenait à un certain moment plusieurs problématiques, justement, pour les femmes qui devenaient infertiles à partir d'un certain âge. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette fameuse petite recherche-là et cette découverte-là. Le deuxième point qui a retenu mon attention dans l'actualité durant les dernières heures, eh bien, c'est un article du Devoir qui m'a fait dire que je pourrais en parler, en fait, un petit peu plus à la radio ce matin. C'est le gouvernement qui va verser 22 millions aux régions, donc c'est-à-dire comme nous, là, un petit peu, pour le secteur culturel. Bien évidemment, les villes de Montréal et de Québec vont recevoir les plus gros montants, mais Québec va verser 22 millions aux municipalités et aux régions pour qu'on puisse développer justement le secteur culturel. Donc, le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, a fait cette annonce-là dimanche matin à Shawinigan, pas très loin de chez nous. Et ces fonds-là vont être investis dans le cadre des ententes sur le développement culturel qui prévoit la mise en place de partenariats entre les administrations locales et le gouvernement provincial. Pardon. Donc, le ministre Fortin prévoit bientôt ouvrir un blitz de négociations pour pouvoir conclure ces ententes d'ici le mois de juin et aussi assurer la distribution rapide de ces fameux fonds-là pour les projets culturels. Les ententes qui, selon lui, permettent aux régions d'avoir leur propre couleur en matière de culture, bien, cette fois-ci, ça va être un projet de 3 ans, contrairement aux années précédentes où qu'on était signé pour seulement 1 an. Et par communiqué, le ministère a indiqué que ça allait être possible grâce à la bonne gestion du gouvernement qui permet d'être un petit peu plus prévisible. Donc, on va essayer de travailler sur la prévisibilité de ce côté-là. Et sans surprise, bien, la part de cet argent-là, de cette... bourse ou plutôt de ce budget-là, eh bien, Montréal et Québec vont recevoir quand même une bonne partie. Ils recevront respectivement 6 millions et 1,5 million de 2017 à 2020. Et de son côté, eh bien, la Montérégie va récolter 2,3 millions sur 3 ans, tandis que l'Outaouais va toucher 1,1 million. Et la Mauricie, ça c'est nous, va recevoir un petit peu plus qu'un million. Donc, on va quand même avoir un petit peu de sous sur tout ça. Et la contribution du gouvernement provincial représente le montant de base auquel s'ajoutent justement les investissements de ses partenaires au sein de ses collectivités. Et on précise par le ministre Fortin que ça ne fermera pas la porte à une bonification de ces fameuses sommes-là par l'entremise de projets sur le plan, par exemple, du numérique, de la langue, des infrastructures et tout ça. Mais en entrevue à la presse canadienne, le ministre Fortin a souligné que cette annonce-là, ça va amener des demandes répétées, bien évidemment, pour des ententes qui vont être triennales lors de la tournée de consultation sur le renouvellement de la politique culturelle du Québec. Donc, on s'attend à plusieurs questionnements, mais ça va permettre quand même d'organiser des projets sur une plus longue période. Et ça, bien, peu importe où tu es au Québec, ça va être très bien reçu, j'ai comme l'impression. Et de plus, ça va permettre aussi de réduire les frais d'administration des villes, également du ministère. Alors, c'est gagnant-gagnant. C'est un gros budget qui est répandu de façon adéquate jusqu'à un certain point entre les villes, les municipalités et les régions. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que nous, ici, en Mauricie, on va faire avec ce budget-là. C'est sûr que ça va amener des projets qui vont être très intéressants, peu importe où on va se trouver. Du côté des États-Unis, eh bien, les effectifs des journaux ont baissé de beaucoup en plusieurs années. Les effectifs des journaux papier ont diminué de 57,8% aux États-Unis entre janvier 2001 et septembre 2016. Donc, avec la clé, 238 000 emplois ont été supprimés. Et ça, c'est selon des chiffres qui ont été publiés par le Département du travail des États-Unis un petit peu plus tôt cette semaine. Donc, durant la même période, le nombre de sociétés du secteur a baissé de 18%, c'est-à-dire qu'on a baissé de 9 310 à 7 623. On parle aussi de la presse magazine qui a également payé un lourd tribut aux profondes mutations qui touchent le monde des médias, avec un effectif qui en replie 42,4% en 15 ans. La radio, c'est un petit peu moins résisté. On employait en septembre 2016 23,5% de personnes de moins qu'en janvier 2001. Donc, nous aussi, on y passe un petit peu. La télévision, après avoir connu un creux entre 2001 et 2009, eh bien, c'est un diminutif de 14% et on a largement redressé la tête depuis, avec des effectifs qui sont présentement en hausse de 13% depuis novembre 2009. Donc, c'est pas mauvais tout ça. Et le secteur de l'édition de livres a, lui, enregistré une baisse de 29% du nombre de personnes qui sont employées depuis 2001 jusqu'à 2016. Ça bouge beaucoup. Et au total, bien, les journaux papier, la presse magazine, le secteur de l'édition des livres ont tous perdu 333 781 emplois, soit la moitié des effectifs en 15 ans. C'est, on le savait un petit peu qu'avec tout ce qui était média, tout ce qui était en ligne aussi, ça allait beaucoup bouger, mais c'est un petit peu inquiétant de voir à quel point ça a autant bougé en si peu de temps. C'est un petit peu triste, j'ai le goût de dire, parce que... Veux pas, il y a des personnes qui perdent leur emploi avec tout ça. Et c'est un domaine qui est quand même assez difficile de pouvoir se retrouver un emploi par la suite, surtout si les effectifs ont baissé autant comme ça. Ça veut dire qu'il y a plus, il y a pas seulement une station ou il y a pas seulement un journal qui va fermer ses portes. En fait, c'est plusieurs. Donc, c'est inquiétant quand même. Il va falloir se garder à l'affût des nouvelles et ce qui se passe dans ce domaine-là. Si on y va du côté de la santé, bien du côté de la santé des jeunes, on s'en va vers une catastrophe apparemment. C'est un article de la presse qui parle de données qui sont inédites, qui ont été obtenues par la presse, oui, comme je le disais, qui confirme ce que les professeurs d'éducation physique au Québec constate dans les écoles, c'est que les jeunes Québécois sont de moins en moins en forme. Donc, malgré des années d'efforts pour inciter les jeunes à bouger, vous savez, là, dans les écoles primaires, je pense qu'il y a eu tellement de campagnes. Moi, je me souviens, dans mon école primaire, c'était obligatoire de faire ses cours d'éducation physique. Même chose au secondaire. Mais je dois avouer que de mon côté, je trouvais pas ça une mauvaise chose. J'aimais bien l'éducation physique, j'aimais bouger et tout ça. Mais quand même, on parle d'années d'efforts pour inciter les jeunes à bouger et leur capacité respiratoire connaît un recul qui est quand même extrêmement prononcé au Québec. Donc, les jeunes aujourd'hui ont une respiration qui est inférieure environ de 10 % en moyenne par rapport à ceux qui étaient là en 1982. OK, les 1982, ça fait quand même un petit bail, là, mais que les chiffres parlent pour eux-mêmes et ces résultats représentent en fait un signal d'alarme qui dresse le portrait d'une situation qui est quand même assez dramatique selon plusieurs experts parce que ça déplore les effets de la sédentarité et de l'omniprésence des écrans dans la vie des jeunes. Tu sais, vous savez, si vous allez sur la rue, si vous allez au centre d'achat ou tout simplement dans un restaurant, eh bien, prenez 30 secondes, je vous mets au défi, là, prenez 30 secondes, regardez autour de vous et regardez les jeunes qui ont des tablettes ou qui empruntent les cellulaires de leurs parents et voyez à quel point c'était différent avec notre temps. C'est sûr que veux pas, c'est assez difficile de pouvoir dire non maintenant à son jeune enfant qui veut une tablette ou qui veut un téléphone cellulaire, mais je pense que de pouvoir lui dire « tu vas aller jouer dehors pendant une heure si tu veux ça », bien ça, ça convainc peut-être le jeune à pouvoir faire un petit peu plus d'efforts physiques, d'améliorer sa santé. Et si ça convainc pas les gens qu'on s'en va vers une catastrophe, bien Mario Léoné, qui est le chercheur qui a récolté les données aux quatre coins du Québec, il dit lui-même qu'il sait pas ce que ça va prendre pour faire changer les choses chez les jeunes. La pire dégradation se constate chez les garçons de 17 ans, en fait, qui ont vu leur système respiratoire fondre de 19,8% en mesure des capacités cardio-respiratoires. Donc, c'est beaucoup. C'est sûr que, encore une fois, on parle depuis 1982, mais on parle de capacité respiratoire. En temps normal, tu dis, c'est sûr que tout le monde va avoir la même capacité, mais non, on a vraiment une dégradation de ce côté-là. Et ce sont des données qui sont assez dramatiques. Ça annonce des problèmes, en fait, futurs assez importants. Monsieur Léoné, qui a fait la recherche, est directeur du groupe de recherche sur les aptitudes physiques des enfants de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et en temps normal, la capacité respiratoire maximum, c'est un des indicateurs de santé. Donc, si on a une capacité respiratoire cardio-respiratoire à 40 à 17 ans, c'est une valeur qu'on retrouvait avant chez des gens d'une quarantaine d'années parce qu'ils avaient été en forme toute leur vie. Ils avaient fait du sport toute leur vie. Alors, il y a des problèmes qu'on voyait apparaître plus tard. Maintenant, on les voit beaucoup plus tôt. Le chercheur en question a aussi fait avec d'autres chercheurs québécois, on a fait passer un test à 3000 jeunes du primaire et 2000 du secondaire de 2010 à 2015. C'est comme ça qu'ils sont arrivés avec les chiffres. Et on a notamment fait faire le test navette de Luc Léger, ce qui est le fameux test du bip-bip, qui est quand même commun dans les écoles du Québec. Là, je pense qu'il y a... Moi, je l'ai fait au primaire, je l'ai fait au secondaire, je l'ai fait aussi au cégep. Il s'agit en fait d'un test de course qui consiste à faire des allers-retours en augmentant la vitesse jusqu'à temps qu'on soit épuisé. Et son but, en fait, était entre autres de comparer les résultats qui avaient été obtenus par les jeunes d'aujourd'hui avec ceux qui étaient colligés au tournant dans les années 90. Et ce test-là permet d'estimer la capacité cardio-respiratoire des participants, dont ce qu'on appelle le VO2 max. Et ce que les chercheurs ont constaté, c'est que les jeunes Québécois réussissent moins de paliers que par le passé. Ils ont moins de cardio. Ils ont aussi découvert que la condition physique des enfants, qui se dégradait modérément entre l'âge de 6 et 17 ans en 82, bien présentement, ça chute de façon dramatique. Et il y a 35 ans, un jeune garçon perdait, par exemple, 4 % de sa capacité cardio-respiratoire de 6 à 17 ans. 4 % tu te dis « OK, c'est pas si pire ». Aujourd'hui, le jeune perd de 17 % sa capacité cardio-respiratoire sur la même période, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Si on regarde ça comme ça, c'est plus que le double. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que le niveau de capacité physique des jeunes dans les années 80, c'était suffisant pour maintenir, grosso modo, la valeur de la capacité cardio-respiratoire. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que c'est plus suffisant pour maintenir ça. Et plus les jeunes vieillissent, moins ils sont actifs. Donc, ça va aller empirant si ça continue comme ça. C'est ce qu'ont constaté les chercheurs. Et la pression sur le système de santé, bien, ça va être épouvantable parce qu'on parle beaucoup du vieillissement de la population. Mais quand on voit que le taux d'obésité, par exemple, a triplé chez les enfants, on se dit que ces jeunes-là, bien, ils vont prendre des médicaments pendant 50 ans de leur vie. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on est capable de prévoir présentement. C'est de voir à quel point les enfants sont de moins en moins en forme, à quel point ça va demander justement des systèmes de santé qui vont être un petit peu plus développés. Pourquoi est-ce que les jeunes bougent moins? Est-ce que ça serait parce qu'on a moins de temps? Bien, cette tendance-là à la méforme, c'est pas propre au Québec. En fait, il y a des chercheurs qui la constatent dans tout le monde occidental. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Bien, à peu près tous les experts ont consulté et qui ont été consultés par la presse montrent que la sédentarité chez les jeunes qui bougent moins qu'avant, tout simplement, pour une multitude de raisons, serait la cause exacte de ce qui se passe de ce côté-là. Donc, ils ont le cours de musique, ils ont le cours de mathématiques, cours de français et tout ça. Rendu au cégep, c'est le travail parce qu'on a besoin d'argent pour payer le téléphone, payer l'auto, souvent payer le loyer aussi. Donc, ils ont besoin de beaucoup plus d'argent qu'il y a 30 ans. C'est ce que fait remarquer la sociologue du sport, Suzanne Laberge, qui s'intéresse elle aussi à l'activité physique chez les jeunes depuis une trentaine d'années. Et la vie est beaucoup plus demandante qu'avant. On doit se battre, surtout pour notre argent, surtout pour pouvoir arriver à faire quelque chose lorsqu'on est au cégep. Donc, il y a des chiffres qui montrent tout ça. Et on n'est pas dans une crise de l'emploi, mais on a été influencé par la dernière crise financière. Et apparemment, quand les jeunes veulent de l'argent, ils le veulent tout de suite. Donc, c'est une génération de l'immédiateté, oui. Et les spécialistes consultés bien, ne précèdent pas par un inversement de ce phénomène-là de sitôt, parce que ça va s'en aller de pire en pire encore une fois. Donc, la chute de la forme des jeunes Québécois ça inquiète en fait autant les éducateurs physiques que les cardiologues. On pourrait aussi avoir des problèmes de recrutement pour le sport de haut niveau. Donc, si la quantité d'adolescents en forme diminue, c'est certain que ça va être beaucoup plus difficile à l'avenir de trouver des éléments de talent ou encore des éléments qui vont sortir du lot. Donc ça inquiète un petit peu. Et les chiffres des chercheurs ne surprennent pas du tout les gens qui sont dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport depuis plusieurs années. En fait, tout le monde dit que l'état de la condition physique des jeunes depuis des années au Québec est quand même assez alarmante, mais on n'est jamais capable de faire quelque chose par rapport à ça. Et je vous disais tout à l'heure que le test a été fait au primaire et au secondaire, mais c'est la même chose au cégep. Il y a d'autres données qui ont été recueillies et qui appuient les résultats des chercheurs. Donc, au cégep, par exemple, de Lévis-Lauzon, les éducateurs physiques mesurent dans le cadre d'un projet qui est quand même assez ambitieux, qui n'a pas son pareil dans le reste de la province, mais on calcule la condition physique d'environ 1000 élèves à chaque année. Et les jeunes qui sont soumis à un test de palier, ce que les enseignants du cégep ont constaté, en fait, c'est que depuis le début du projet, qui a commencé en 1999, chaque année, il y a de plus en plus de jeunes qui abandonnent au premier palier. Et en temps normal, on devait se rendre comme au cinquième palier, moi, je m'en souviens, et celui qui demande le moins d'efforts. Donc, c'est comme si au hockey, après l'échauffement, tu te rendais pas à la partie. C'est un peu le même principe. Tu veux juste faire le workout au début, tu veux juste faire la période d'échauffement. Après ça, tu t'assises sur le banc, t'as fini, that's it. Et à l'Université de Sherbrooke, il y a des chercheurs, quant à eux, qui ont relevé la condition physique et les habiletés motrices des étudiants qui sont en éducation physique et aussi en kinésiologie, parce que c'est, tu sais, on se dit, nos éducateurs en d'éducation physique, est-ce qu'ils sont en meilleure forme? Est-ce que ça change? Eh bien, de 2006 à 2013, on a fait passer des tests aussi à ces jeunes-là qui sont normalement les plus actifs. Et on a constaté aussi chez eux une diminution de la condition physique des étudiants qui s'en allaient en éducation physique et aussi de leurs habiletés motrices depuis les dernières années. Donc, c'est le directeur du programme de baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé de l'Université de Sherbrooke, Félix Berrigan, qui a fait cette recherche-là, qui en est venu à ces constatations-là. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on constate que cette diminution-là chez les jeunes qui se prédisposent à des domaines sportifs. Donc, ce sont des futurs enseignants d'éducation physique, des futurs kinésiologues, mais eux aussi ont une capacité cardio-respiratoire ou une capacité motrice du côté sportif qui a diminué de beaucoup. Donc, c'est drôle quand même de voir ces chiffres-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour remédier à la situation. Le dernier article dont je veux vous parler, eh bien, c'est un article sur le site lesaffaires.com et c'est une nouvelle qui a fait quand même beaucoup bouger depuis hier. En fait, ça le fait un petit peu le tour. Si vous êtes abonné à Tesla ou si vous êtes abonné au genre de sites qui vont parler de voitures électriques, eh bien, vous avez su hier que Tesla est devenu le deuxième constructeur américain, c'est-à-dire qu'on a dépassé Ford. Donc hier, Tesla est devenu le deuxième plus grand constructeur automobile américain en termes de capitalisation boursière. Donc, on a, comme je le disais, dépassé Ford, dont les ventes marquent le pas au moment où on augmente les inquiétudes sur la capacité du marché à maintenir la croissance. Et le constructeur de voitures électriques haut de gamme, qui ne commercialise pour le moment que deux modèles, c'est-à-dire le modèle S et le modèle X, bien, c'était à prévoir un petit peu. Ça a aussi été valorisé à 47,35 milliards de dollars en bourse, soit davantage que Ford, qui lui est à 45,03 milliards. Donc, Tesla produit par année moins de 100 000 voitures et Ford plus de 6 millions. Donc, il y a quelques 4 milliards de dollars qui séparent présentement Tesla de General Motors, qui est le premier constructeur automobile américain en termes de vente et troisième mondial. Mais Tesla, en passant devant Ford, on vise le premier rang américain. Comme on vient de le dire, on est en train d'essayer de pouvoir ravir à General Motors le titre honorifique de premier constructeur automobile américain par la capitalisation boursière, ce qui est une ascension qui symboliserait la révolution en cours dans une industrie dont le cœur bat désormais à la Silicon Valley plutôt qu'à Détroit, c'est-à-dire celle d'avoir une énergie renouvelable pour nos véhicules, une énergie propre et le spécialiste des véhicules électriques qui a été lancé en 2003, qui est dirigé par le milliardaire d'origine sud-africaine Elon Musk. Bien, en termes de valeur en bourse, à l'origine de la production de voitures en série et de l'assemblage à la chaîne introduite avec la Ford T, il y a plus d'un siècle, on a passé devant tout ça. On est en train de vouloir vraiment mettre le cap sur pouvoir prendre la place à General Motors. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va devoir se garder à l'affût de tout ça. Au retour, on va discuter avec Mathieu Plante au téléphone. Tout ça dans Assemblage Requis. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Vous êtes toujours à Assemblage Requis sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Dans quelques instants, on va avoir Mathieu Plante au téléphone avec nous, mais je me suis dit qu'avant ça, on pourrait aller peut-être se gâter un petit peu en écoutant du Tegan and Sara avec U-Turn. Tout ça sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Au retour, les instructions d'assemblage. Ben oui, vous allez voir. C'était Tegan et Sarah avec U-Turn au téléphone, au bout du fil. Avec moi, j'ai Mathieu Plante. Bonjour Mathieu. Salut, Talia, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, j'aime ça. T'essayes plein de nouvelles affaires à l'émission, je trouve ça cool. Ah, mon Dieu, merci. J'espère que... Comment placer des trucs dans l'émission, c'est des trucs que j'aurais pas pensé à faire, puis tu le fais très bien. Ah ouais? OK, c'est bon, merci. Tu pourrais dire aussi que tu mets pas les bonnes intros à bonne place, mais c'est pas ça, je dis que tu fais bien ça, d'essayer des affaires. OK, t'es-tu en train de dire que je mets pas les bonnes intros à bonne place? Mais en fait, j'aime ça. OK, OK. J'ai essayé de transformer ça. Pourquoi? T'étais en train de dire que le bumper était pas à bonne place, c'est ça? Mais non, voyons, de quoi tu parles? Non. Je suis contente de te parler, Tania, même si c'est par téléphone aujourd'hui, c'était supposé être mon grand retour en onde. Ben oui, je sais. T'as passé hier à la station en après-midi pour nous donner un petit peu de nouvelles. Pour travailler. Oui, c'est ça exactement. Non, on va le spécifier. T'es juste passé pour dire que t'allais pas revenir tout de suite. Pour vous dire, c'est ça, que je ne touche à rien, sauf pour peut-être placer quelques trucs sur le bureau qui ont été déplacés. Exactement. T'as plus de plâtre, Mathieu. On a réussi à t'enlever tout ça. Absolument. Hey, ça fait peur, hein, ça enlever un plâtre. Ouais, c'est la petite scie, là. T'as toujours l'impression qu'il va partir avec la moitié de ton bras ou la moitié de ta jambe quand il enlève ça. Parce que ça part par le côté de ta peau. En tout cas, bref, j'avais jamais vécu ça, fait que c'est une nouvelle expérience. Tout le monde qui l'a vécu sait déjà c'est quoi. Mais oui, on m'a enlevé mon plâtre et aussitôt qu'on me l'a enlevé, j'ai échappé quelque chose par terre en sortant. Oh non. Et mon réflexe a été de sortir mon bras droit, évidemment, pour le poignet. Hey, ça fait mal! Ben oui, c'est sûr. Tu viens de passer 2 semaines à pas bouger ton bras d'une certaine façon. Là, de commencer à le bouger, ça prend de la réadaptation, Mathieu. Ben moi, quand tu m'as parlé de physio au début, j'étais comme une visite de physio, je connais mon bras, je sais comment il faut. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, non, ça fait vraiment mal. C'est comme avoir une pince au bras, c'est comme avoir des aiguilles dans le bras, puis ça le fait encore aujourd'hui. Dormir est super difficile, mais c'est pas grave, je me mets sur les antidouleurs depuis hier, puis ça va beaucoup mieux. J'ai un gros bleu, jaune, vert sur le bras. Ah, ben oui, c'est vrai, les couleurs vont commencer à sortir. Ouais. Bref, C'est pour dire que je ne suis pas revenu avant le 17 avril. Le médecin voulait au début prolonger mon arrêt de travail jusqu'au 15 mai. Oh, d'accord. 15 mai, je trouvais ça vraiment loin. On est le 4 avril. Fait que j'ai dit, c'est un peu loin. Et il a dit, ok, je pourrais peut-être dire, mettons, 2 semaines pour comme couper en deux. Ça va aller mieux dans 2 semaines, probablement. Donc, 17 avril. Au pire, ça fera encore mal parce qu'il m'a dit 5 à 6 semaines de douleur. Fait que probablement que je vais revenir, ça va être un petit peu difficile. Mais je suis prêt à le faire parce que le temps est long en maudit. Oui, c'est sûr. Hein? Mais on a quand même trouvé une façon que tu puisses rentrer en onde sans travailler, on le répète, sans le travailler. Mais tu vas faire certaines chroniques que tu faisais déjà avant de nous quitter. Voilà, c'est ça. Je me suis dit que ça va être un petit peu côté préparation d'émission parce que je trouvais que tu en faisais beaucoup. Pas que c'est pas bon, mais que c'est beaucoup de job à faire quand on nous en fait souvent. Donc, pour t'aider un petit peu, puis en même temps, parce que ça me tente, puis que j'accumule du contenu, puis que je le fais pas, puis que je pensais pouvoir le faire à partir d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je te présente, attention, les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le marché. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ouais, mais ça marche pas. Quelle équipe incroyable, tu as fait ça à merveille. As-tu donc, ça? Je vais faire ça un peu plus court que d'habitude. Mes chroniques, souvent, c'est une demi-heure et plus, là, parce que je sais que le gadget pour parler au téléphone est particulièrement atroce. Ça, c'est fou. Je sais pas où est-ce qu'on a trouvé ça dans un magasin à 4$. Probablement Radio Shack dans le temps. C'est peut-être, je sais pas. Bref, c'est pas grave. On va avoir des conseils pour la vie, bien sûr, des façons d'améliorer sa vie. Et je vais te demander, bien sûr, si c'est quelque chose qui a du sens pour toi. Commençons par, je sais pas si t'as déjà eu ça ou si t'as ça présentement ou si il est dans le bureau juste à côté du tien avec un mur de distance. En fait. Interrompre. Et pardon? Hein? Répète. Tu dis un collègue dérangeant des fois qui vit à un mur de toi. Mais non, voyons, on n'a pas ça nous, hein, c'est fou. On n'a pas ça. Donc, une fois des collègues de travail qui t'interrompent avec une nouvelle façon, un truc qu'on lui conseille, c'est Francesca Gino, professeure à la Harvard Business School, auteur du livre Sidetrack, qui nous dit qu'on devrait leur dire à ces gens-là quand ils ont la possibilité d'interrompre. Tu sais, des fois, quand la personne est tout le temps en train de t'interrompre pendant que tu perds ton fil conducteur, tu devrais lui dire avant de parler. Une planification de ce que tu vas faire. Un peu comme au début d'une réunion, des fois, notre directeur général, Jean-Philippe Charbonneau, va nous faire un petit plan. Comme ça, tu sais où tu vas pouvoir interrompre à la fin de chaque point. Donc, c'est une approche qui peut empêcher la personne de t'interrompre au mauvais moment. Ils vont savoir qu'ils vont pouvoir parler plus tard. Donc, ils n'auront pas besoin de tout de suite le dire. Ils vont pouvoir noter dans leur tête. Un peu comme on dit aux enfants, des fois, quand tu es au téléphone ou tu es en train de commander, je sais pas, au restaurant ou peu importe, tu leur dis, garde tes idées en tête, puis quand je vais être prêt à te parler, je vais te faire signe. Tu vas pouvoir me parler de tout ce que tu veux. Comme ah ça, oui, c'est une bonne idée, ça. Moi, j'aime bien ce conseil-là, un de mes préférés. Ensuite, une fois de temps en temps, je te donne, ou je nous donne, un petit conseil de dépense, un petit défi du mois, si on veut. Oui. Et souvent, ça vient soit de Lifehacker ou de apartmenttherapy.com. Dans ce cas-ci, ça vient du deuxième. Donc, c'est une fin de semaine, une fois par mois, où on n'a aucune dépense. Seulement une fois par mois. Une fois par mois, on se prend une fin de semaine où on dit « je ne dépenserai pas », ça s'appelle « no spend weekend », ce qui veut dire que pendant toute cette fin de semaine-là, du vendredi soir jusqu'au lundi matin, en gros, on ne dépense pas d'argent, pas de brunch, on ne sort pas pour boire, on ne commande pas de nourriture, donc on utilise ce qu'on a déjà à la maison et on devrait économiser beaucoup d'argent, en fait, parce que évidemment, ça n'a pas l'air super efficace, mais quand tu es tout seul, un vendredi soir sortir, ça peut être 15$, ben oui. 20$. Aller au café samedi matin, ça va te coûter 10-15$ parce que tu prends une petite pâtisserie. Au cinéma, ça va te coûter 15-20$. Une soirée au bar, un autre 30$. T'sais, ça finit par s'accumuler beaucoup. Donc, tu pourrais dépenser en une fin de semaine, en moyenne, selon bien les gens, entre 65$ et 95$ américains. Donc, je dirais probablement genre un petit 75$, 110$, 115$. Donc, ça pourrait être une bonne façon de dépenser un peu moins. Je suis d'accord. Très bonne idée. Je pense que je vais l'essayer. C'est cool. Une fois par mois. Tu peux te dire, bon, le premier week-end de chaque mois ou le dernier, peu importe. OK. Ensuite, décider quoi faire est aussi important que décider... décider quoi ne pas faire est aussi important que décider quoi faire, nous dit-on. Voilà. Donc, c'est une citation qui vient de Steve Jobs, chez Apple, à l'époque. Ça vient de la personne qui écrit sa biographie, Walter Isaacson. Donc, quand Jobs va tourner chez Apple en 97, il produisait chez Apple plein de périphériques, plein d'ordinateurs, une douzaine de versions du Macintosh. Donc, après quelques semaines, il a commencé à penser à ça, puis il a dit « Non, regardez, stop. » Il a dit « Stop, this is crazy. » Donc, il a pris un marqueur magique et puis il est allé sur le tableau blanc, il a dessiné une grille de 2x2 et il a dit « Voici ce qu'on a besoin. » Consommateurs normaux et professionnels. Et là, il a fait une catégorie ordinateur de bureau et ordinateur portable. Et puis, il a dit aux membres de son équipe de focusser sur 4 produits, un pour chaque case dans la grille. Donc, ils ont comme décidé de faire un focus sur les choses importantes à faire. Donc, on peut utiliser ça pour sa vie normale aussi, en ayant des catégories de choses que tu dois faire, de choses que tu peux faire et des choses que tu ne devrais pas faire. Donc, te faire des grilles de priorité dans la vie, si on veut. Je trouve que c'est vraiment très intelligent. C'est vraiment bon. Ensuite, on a parlé tantôt, on n'a pas parlé tantôt de rien, on change de catégorie complètement. On parle de maximiser son espace dans le garde-robe pour un seul petit voyage au magasin, ou même si vous êtes du genre à garder vos canettes de liqueur. Ben ouais. Tu vas voir, c'est un peu bizarre comme conseil. Tu as peut-être vu à la télé les supports, les cintres qui peuvent doubler ou quintupler, je sais pas trop, ton espace dans le garde-robe. C'est comme des supports où t'accroches chacun tes vêtements et puis c'est comme escamotable, ça devient vertical et tous tes vêtements sont comme enlignés comme 5 par support. Est-ce que t'as déjà vu ça? C'est quand même le fun comme principe. Et bien, c'est un peu le même principe, on va se servir de petits de bouts de métal qui sont sur les canettes de liqueur. OK, oui. Donc, les petits bouts qu'on garde des fois, il y a plein de gens qui gardent ça pour pouvoir faire des dons, je ne sais pas trop quel organisme, peu importe. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est de prendre ces affaires-là et les enchaîner sur un cintre de métal, que ce soit les cintres de métal cheap ou bien ceux avec du bois dessus pour bien tenir tes vêtements, peu importe. Et tu passes le truc de la canette après le cintre et puis tu peux accrocher ton autre cintre après le bout de métal. C'est parce que le bout de métal a deux à l'intérieur. Oui. Donc, ça optimise l'espace de leur garde-robe. Et voilà, donc tu peux mettre au moins deux vêtements par cintre. Voilà, donc ça, c'est un petit truc facile de magazine, mais quand même. Ensuite, on se dit que, et je me suis déjà posé la question, peut-être que toi aussi, est-ce que tu devrais faire pipi dans la douche? Je vais t'avouer que je me suis jamais vraiment posé la question. Je pensais que c'est une question assez populaire. Probablement que... OK, je vais avouer, c'est sûr, je l'ai déjà fait, là. Oui. C'est quand même assez facile. Oui, c'est ça. C'est comme faire pipi dans une piscine quand t'as 8 ans. Oui, mais c'est justement, au moins, c'est pas comme dans la piscine. En fait, c'est selon le site web Mike et l'Environmental Protection Agency, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, on dit que flusher les toilettes, c'est 27% de l'utilisation de l'eau aux États-Unis. Donc, on parle du quart et plus de 27%. Okay. Les toilettes plus récentes utilisent 1,6 gallon américain par flush. Et les anciens modèles peuvent utiliser jusqu'à 7 gallons. Donc, tu sais, quand on dit que les toilettes ont moins d'eau depuis quelques temps... Oui, c'est vrai, les ça. Les toilettes plus récentes, c'est quand même... ça vaut la peine, 1,6 contre 7 gallons. L'adulte moyen urine entre 6 et 8 fois par jour. Eh, mon Dieu, c'est donc bien beaucoup. Moi, je trouve ça beaucoup, oui. Donc, on pourrait utiliser en moyenne 56 gallons en 24 heures juste en flushant la toilette pour le pipi. Donc, tu sais, quand on sort la phrase « If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down » en anglais. Mm-hmm. Donc, si c'est jaune, laisse-le couler, laisse-le tremper. Ça. Puis, si c'est brun, tire la chasse. Donc, Mike, le site web, que se soulager dans la douche à la place de toilette va aider, bien sûr, parce qu'on va faire plusieurs choses à la fois. Hein? Ben oui. Et ça va permettre de moins gaspiller d'eau, parce que la douche, tu la prends de toute façon. Évidemment, on perd du temps si on fait juste pipi puis qu'on fait rien d'autre en même temps, j'imagine. Probablement. Mais ça va aussi t'aider à peut-être économiser un petit peu de papier de toilette. Voilà. Ah, ben oui, c'est vrai. Et le magazine Glamour nous encourage à le faire aussi. Donc, en 2009, ils ont dit, à moins d'avoir une infection, l'urine est stérile et non toxique. Donc, les gens qui vous disent de ne pas faire ça, ils ont tort. Ah! Oh, la solution est d'en uriner dans la douche. Et voilà. Est-ce que tu sais, je suis à combien de temps, moi? Excuse-moi de te demander ça en ongles. Écoute, t'as encore le temps, là. T'es à 11 minutes avec tout ce qu'on a dit au début. Merci. Hey, je suis tellement un control freak. Non, tu sais, je suis habitué d'avoir mon cadran devant moi. Mais oui, Ensuite, on parle un petit peu de nourriture. On va garder les frites de restaurants croustillantes en laissant le sac ouvert. Ça me surprend vraiment beaucoup. Ah, ben moi aussi. J'aurais pensé qu'on devrait fermer le sac le plus possible. C'est ce que je fais tout le temps quand j'ai de la nourriture en voiture. Donc, le truc suggéré par Zachary76 sur Reddit, qui me semble pas une très bonne source, mais il dit quand même que laisser le sac ouvert pendant qu'on revient à la maison, parce que quand on le garde fermé, ça va garder l'humidité à l'intérieur, donc la vapeur des frites chaudes. Et si la vapeur ne peut pas s'échapper du sac, ça va faire comme si les frites étaient passées sous la pluie. Donc, si vous pensez que votre nourriture va devenir froide, si vous faites ça, et bien placer. Pardon, le sac pour apporter sur le plancher du siège du passager et monter la chaleur. Et garder votre nourriture plus chaude, si on veut. Ouais. Et donc, c'est le bon truc. Et évidemment, en plus, ça va créer une super odeur de frites dans la voiture. Ben oui, ça reste longtemps en plus, ça. Hein? Oui, ben maison. Hein? Ensuite, on reste dans la nourriture pour passer plus rapidement à la caisse enregistreuse et pour plus facilement se ranger les choses à la maison. On devrait grouper son épicerie ensemble. Tu sais, des fois, quand je fais l'épicerie, moi, je suis à pied. Donc, quand on me demande le nombre de sacs, je dis, ben, c'est peut-être deux sacs. Pourrais-tu mettre les produits froids ensemble, les produits qui vont dans les armoires, genre, à part? Mm-hmm. Donc, je trouve que ça va beaucoup mieux. Rendu à la maison, en plus, les trucs froids restent froids ensemble, donc vont conserver leur température. Mais en plus, en arrivant à la maison, tu peux te faire un congélateur blanche déjà. Bref, on devrait faire ça directement dans le panier, nous disons. Donc, c'est Food52 qui nous suggère qu'on devrait penser à notre panier, non pas comme une poubelle presque, où on met nos trucs, mais à la place, on devrait faire des compartiments pour aider la caissière ou le caissier et la personne qui emballe, et en plus toi-même à la maison. Donc, on devrait garder tout ce qui est réfrigéré avec ce qui est réfrigéré, les choses sèches avec les choses sèches, bon, patates, oignons, peu importe, les légumes dans une autre section de votre panier, qui peut-être même on dit les trucs, les légumes dans un sur le dessus de votre panier, dans le petit compartiment pour enfants, mm-hmm. pour que ce soit endommagé, et ensuite défaire ça en groupe à la caisse enregistreuse et défaire ça en groupe une fois que les sacs arrivent à la maison. Ah, mais j'avoue que c'est pas fou parce que ton emballeur va les passer un après l'autre de toute façon. Ouais. Donc, ça va empêcher l'accumulation au bout de la caisse. Pas fou, vraiment pas fou. Ça dépend vraiment du talent et de l'effort que met l'emballeur. Parce que des fois, les emballeurs vont choisir les produits en catégorie. Je le remarque souvent. Mais il y en a qui sont vraiment pas talentueux là-dedans. Ah non, t'as raison. Bref. Ensuite, on essaie de rendre les histoires plus intéressantes. On dit que oui, essayer de rendre les histoires plus intéressantes vont avoir l'effet contraire. Bon, okay. Donc, c'est toujours amusant de raconter des histoires de voyage. Peut-être que t'es en Floride, peut-être que t'as eu un bras dans le plâtre, peu importe. l'histoire qui est de Psychological Science ici nous dit que, en fait, ça a demandé aux gens de regarder une courte vidéo et de faire la narration ensuite à un auditeur. Certains auditeurs avaient déjà regardé les vidéos alors que d'autres ne l'avaient pas regardé. Les personnes, donc, étaient plus engagées ou de réussir à faire que les gens étaient plus intéressants pour les gens qui n'avaient pas vu la vidéo. C'est ce que les gens pensaient, donc que les gens qui allaient faire la narration allaient réussir à persuader les gens qui n'avaient pas vu la vidéo. Mais finalement, il y avait tort. Donc, les gens qui avaient déjà regardé la vidéo et qui connaissaient l'histoire avaient plus en entendre parler par la personne, donc comparé à ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Donc, la personne qui réussit à raconter une bonne histoire doit trouver un bon équilibre entre expliquer aux gens qui sont déjà familiers et expliquer aux gens qui ne sont pas familiers pour essayer de plaire à tout le monde. Donc, c'est une façon de voir les choses, mais c'est d'expliquer l'histoire en détail, mais pas trop. Ensuite, vous commencez à regarder si tu as perdu tes clés. OK. Donc, c'est évidemment une chasse au trésor, l'habitude de trouver ses clés. Ici, c'est Anna Novakoska de la University of Aberdeen qui nous dit que les gens passent beaucoup de temps à chercher des objets dans des endroits qui sont faciles à voir, même si ça ne leur donne pas de nouvelles informations. Donc, on recommande de commencer la recherche pour vos clés dans des places qui seraient plus difficiles à voir. Donc, vérifiez pas sur la table, sur le comptoir, sur le lit, sur le plancher. Allez aux endroits où il y a plus de trucs de placer, des trucs, tu sais, s'il y a beaucoup de choses accumulées. Et regardez ensuite avec votre vision périphérique pour voir la forme des objets. Donc, on pourrait aller dans des piles de vêtements qui sont pas encore serrées, dans les tiroirs où il y a beaucoup de choses, les tables à café qui sont remplies de trucs. Donc, commencez par les endroits plus difficiles pour trouver vos clés. Parce que si vos clés étaient à un endroit évident, vous les auriez déjà trouvées. Ah, c'est bon, ça. Et est-ce qu'on a le temps pour un dernier? Oui, t'as le temps. Oui. Donc, on dit de garder des produits nettoyants dans chaque pièce de votre maison pour vous motiver à nettoyer. J'aime beaucoup ça. C'est vrai. Quand on veut faire le ménage, bon, il faut aller dans la cuisine, dans la salle de bain chercher ses produits. Donc, tu dis, bon, je vais faire plus tard, je vais faire tout en même temps. Mais si tu fais ça plus fréquemment, ta maison ou ton appartement va être pas mal plus propre. Donc, tu peux garder une serviette ou un linge ou peu importe et une petite bouteille de nettoyant dans chaque pièce. Ça devrait vous aider. Donc, c'est Mrs. H. 8. thème, je me suggère que d'avoir ça dans chaque pièce pour vous aider à donner envie, en fait, de nettoyer. Donc, de regarder dans chaque pièce, c'est pas mal ça, à la place de faire tout d'un coup. Oh, voilà. On adore ça! Ouais. Je pense que je t'ai gardé assez longtemps avec notre qualité de téléphone. Bien, écoute, merci beaucoup, Mathieu. Est-ce qu'on te retrouve demain matin aussi dans l'émission? Est-ce que tu vas essayer d'être avec nous? Oui, je vais être là demain pour, si tu vas bien, ça me devrait répondre là. Excellent! Bonne journée, Mathieu! Merci à toi, bonne journée! Merci, bye-bye! Pour nous, de notre côté, eh bien, je me suis dit pourquoi pas vous faire écouter une nouvelle entrée du palmarès francophone que vous allez probablement entendre un petit peu plus tard cet après-midi. Je vous offre « Réparer le départ » de Matt Vezio et un petit peu plus tard dans l'émission, David Ferron. Des images perdues sous l'escalier, sous des vagues étendues, oubliées, oubliées. Des îles abandonnées, j'ai vu le sablier tomber à l'eau, tomber à l'eau. Des mille, légers, légers, à dormir au soleil, oubliés. toujours dans l'assemblage requis sur les ondes de Cifou 89.1 FM. On était au téléphone tout à l'heure avec Mathieu Plante. Merci Mathieu pour ta chronique, les instructions d'assemblage. C'est bien apprécié. Ça m'a enlevé un petit poids d'une demi-heure d'animation. Sinon, en studio avec moi, j'ai David Ferron. Bon matin! Bon matin, Tania! Ça va bien? Ben oui, toi! Ça va très bien, merci. David, aujourd'hui, tu nous offres deux chroniques qui vont être quand même assez distinctes l'une de l'autre. Dis-moi, qu'est-ce qui nous attend là, dans quelques secondes? Dans quelques secondes, on va avoir une entrevue sûrement très, très, très intéressante avec Philippe Dumais. Philippe Dumais, c'est un Montréalais d'origine qui a décidé de s'installer à Saint-Tite. OK. Et en fait, je dirais que c'est un, si je posais ça comme ça, un pionnier des microbrasseries en milieu régional en Mauricie. Parce qu'il est, en fait, copropriétaire de À l'affût à Saint-Tite. Oh, OK. Et pourquoi on l'interview? C'est que demain, mercredi, le 5 avril, à 16h30, il va y avoir un événement qui va avoir lieu à l'Atrium CU et ça s'appelle Coopérative d'ici, notre empreinte sur le monde. Et M. Dumais est animateur pour cet événement-là. Oh, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on l'a en entrevue et présentement, il est au téléphone avec nous. Ben oui, exactement. Bonjour, M. Dumais. Hey, bon matin. Bon matin, ça va bien? Ben oui, vous-même. Bien oui, merci. Oui, donc, M. Dumais, en fait, je me suis dit, Tania, ma collègue Tania, elle a l'air tellement bonne, je vais laisser faire l'entrevue, mais, mais vu que c'est moi qui ai les questions, mais si Tania a d'autres questions, il ne faut pas hésiter, Tania. Excellent. Donc, en fait, d'abord, ce qui m'intéressait, c'est qu'à l'affût, c'est votre entreprise, c'est dans une maison qui date de 1865 et qui sort de microbrasserie. Comment ça? Vous avez choisi cet établissement-là? Bien, en fait, c'est un coup de chance, je vous dirais. En fait, en 2006, on avait déjà l'idée de s'installer à Saint-Tite. On trouvait que le Festival Western, à chaque année, c'était quand même un bel avantage pour une microbrasserie, parce que le Festival Western, c'est l'événement où ils vendent le plus de bière à l'extérieur des centres urbains. Pour moi, ça, c'est qu'on s'est dit, ça semble un bon petit coin. Puis en même temps, ben, d'être à Saint-Tite, ben, ça permettait en fait d'être en milieu rural, mais aussi d'avoir accès quand même à des milieux urbains. Donc, d'avoir accès quand même à Montréal, Québec, Trois-Rivières assez facilement. Et puis, donc de fil en aiguille, on cherchait un local et puis pour établir la microbrasserie. Puis, à un moment donné, ben, on s'est mis à regarder même des maisons, des blocs appartements, Saint-Tite. Puis, en visitant un bloc, le proprio nous a dit « Ah, ben à moins que je vous vende ma maison à côté. » Oh, wow! Puis, c'est là qu'on est tombé sur la maison où on est établi. En fait, c'est une maison de 1865. Ça a été le premier magasin général du village. Donc, c'est une des deux, trois plus vieilles maisons qu'il y a actuellement à Saint-Tite. Et puis, donc, nous autres, quand on a vu ça, on s'est dit, pour une microbrasserie, il me semble que c'est le meilleur des mondes, être dans une vieille maison ancestrale et tout, directement au cœur du village. Donc, on était séduits par le concept, puis c'est ça. En fait, au départ, on avait surtout misé, nous autres, notre démarrage là, sur les équipements et autres. Donc, c'est mes parents qui avaient fait l'acquisition de la maison au départ pour qu'on puisse s'établir. Et puis, c'est en 2007, en fait, en fin février 2007, là, qu'on a fait les rénovations, donc, qui nous ont permis là, de s'installer. Là, c'est là qu'on a découvert qu'une belle vieille maison, c'est longtemps à faire des rénos, puis il y a beaucoup de temps à cash. Fait qu'on a passé 6 mois à faire de la rénovation, puis finalement, à un moment donné, on a été acculés au pied du mur. Une semaine après, c'était le Festival Western, donc on n'avait plus le choix d'ouvrir. Fait que c'est comme ça qu'a démarré l'aventure. Il y a exactement 10 ans, on était en pleine rénovation. Mais justement, vu que À l'affût a été ouvert officiellement une semaine avant le festival, ça aurait pu être quasiment fatal pour une jeune entreprise. Comment vous avez réussi justement à vous en servir comme une force de développement? Ben en fait, c'est certain que là, les trois membres fondateurs, on n'était pas vraiment issus de la restauration. Donc, les trois, on est étudiants en génie électrique à l'ETS à Montréal. Okay. Et puis, on est deux qui avaient continué la maîtrise. C'est durant la maîtrise, en fait, qu'on a appris le brassage maison avec un collègue, finalement, qui brassait chez lui. Et puis, donc, pour le festival, ben on avait quand même l'avantage là de pas être nécessairement très connu, puis on était un petit peu à l'extérieur du cœur du village, même si on est vraiment à côté. Donc, les gens savaient pas nécessairement qu'on existait ou qu'on était ouvert. Puis, on s'est entouré aussi d'amis qui, eux, avaient déjà œuvré dans le domaine de la restauration, mais en fait, c'est ça, on n'avait pas de cuisine à l'époque, donc c'était seulement de la bière. Donc, ça s'est quand même bien passé parce que, justement, on avait un achalandage qui était assez bien contrôlé. Puis, du fait que c'était seulement la bière aussi, ça facilitait les choses. Et justement, en quoi vos compétences en tant qu'ingénieur électrique, ça peut être utile pour opérer une microbrasserie? Ben en fait, c'est certain qu'un ingénieur, souvent, dans son travail, ben il est amené finalement à faire de la gestion de projet, de la gestion en général. Mm-hmm. Et puis, nous, en fait, c'est qu'on a découvert qu'on avait une passion aussi pour l'entrepreneuriat, donc pour créer notre propre emploi, pour faire les choses de la manière qu'on le pense, qu'on le vit. Puis c'est ça, en fait, nous autres, c'est sûr qu'on a délaissé un peu le côté ingénierie, mais... Donc, vous dire qu'à chaque fois qu'il y a de quoi qui brise, par contre, on est capable de le réparer. Ça coûte moins cher d'entretien. Ben, du moins, on peut faire une pré-analyse de la situation, souvent réparer. Mais évidemment, des fois, ben, faut faire venir aussi des spécialistes dans le domaine. Mais bon, ça aide à tous les jours, en fait, parce qu'être ingénieur, c'est aussi une manière de penser, résoudre des problèmes. Et puis, le côté gestion aussi, mais nous, par-dessus tout ça aussi, ben, le but, c'était de s'établir en région, donc dans un milieu rural. J'avais voulu, je savais pas à l'époque, mais j'avais voulu, j'aurais même pu travailler dans la région, là, parce que en ingénieur électrique, en fait, il y a beaucoup de besoins, même dans la région. Pour travailler aussi bien à Grand-Mère, à Shawinigan, il y aurait certainement des emplois dans ces milieux-là, mais en fait, c'est ça, ce qui a primé, ça a été plus la passion pour l'entrepreneuriat, pour développer notre propre entreprise, faire nos propres projets, puis... On s'est même, après 5 ans, en fait, on s'est même lancé dans la restauration parce que là, on avait une belle maison de 1865 en plein cœur du village. Fait que c'est certain que le côté pub était intéressant, mais l'expérience d'avoir fait des barbecues l'été, là, on faisait ça sur notre terrasse avec des producteurs de la région. Puis on s'est rendu compte que les gens, ben quand il y avait de quoi se mettre sous la dent, ben c'était encore plus populaire. Ouais, hein? Ben ouais, fait qu'on a eu les gens par le ventre, fait qu'on a décidé de faire la cuisine, puis la cuisine avoir 6 ans là au mois de mai. Oh wow. Déjà, puis en fait, avant que ça se développe bien, restaurant, microbrasserie, tout, à l'époque, quand vous avez proposé ce projet-là, comment ça a été perçu? Parce que la mode des microbrasseries, c'était pas nécessairement ce qui était non plus le plus développé à l'époque, donc c'était perçu comment? Ben c'est certain que c'était pas autant connu qu'aujourd'hui. Tu sais, à l'époque dans la région, il y avait le Gambrinus évidemment qui était là depuis longtemps, mais sinon ça faisait seulement un an que le Trou du Diable était là. Fait que c'est sûr qu'arrivé dans notre milieu, les gens étaient plus du style Molson, si on veut, Molson la base, ouais, parce qu'à Saint-Tite, même de la Boréale, ça courait pas les rues. Fait que c'est certain que les gens trouvaient ça un peu spécial, trois barbus qui s'installent à Saint-Tite pour faire de la bière, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ouais, c'est ça. Puis en plus, ben sur les trois, on était deux étranges, il y en a juste un qui venait de Saint-Tite, ça faisait quand même 12-13 ans qu'il était parti de son milieu là, depuis la fin de son secondaire. Fait que c'est ça, tu sais, mais nous, on demeurait à Montréal, pis on voyait bien qu'à Montréal, il y avait un engouement, que la bière, c'était de plus en plus quoi qui se développait au Québec, à gauche et à droite. Mais on a foncé, en fait, on s'est dit, assurément un potentiel, puis on va trouver une manière, en fait, de rendre ça rentable, puis de faire notre bonhomme de chemin. Puis comme on voit aujourd'hui, ben on est vraiment dans une autre époque par rapport à la bière. Là. Nous, quand on a démarré, on avait de la misère à rentrer notre bière dans des détaillants de bière, dans des bars, restaurants. Puis de nos jours, en fait, il y en ouvre quasiment toutes les semaines des endroits pour en vendre. Puis on voit aussi dans les dernières années qu'il y a des nouveaux microbrasseries, il y en a de plus en plus. Puis c'est ça qui est intéressant. En fait, chacun est établi dans son milieu, puis rayonne dans son milieu, donc offre des bières locales finalement. Puis demain, vous allez justement être à l'université, justement mercredi 5 avril, pour l'activité coopérative d'ici, notre empreinte sur le monde dont vous êtes l'animateur. Et le conseil que vous pourriez donner à des jeunes entrepreneurs, ce serait quoi le ou les conseils que vous pourriez leur donner? Ben en fait, je pense que en entrepreneuriat, ben faut premièrement croire en qu'est-ce qu'on fait. Là, je pense que c'est une passion pour un domaine en particulier qui peut nous amener loin. Puis la chose en entrepreneuriat, puis moi je croyais pas au début, c'est que ça a pas le choix de prendre 5 ans, en fait, parce que quand on démarre un projet, on a toujours l'impression qu'après un an on va être rendu où on le pense, mais tout est toujours plus long, en fait. Puis, donc, il y a beaucoup de latence dans ce qu'on fait. Puis, souvent, en fait, on sous-estime beaucoup d'étapes. Fait que je pense qu'il faut y aller graduellement. Puis, en même temps, avec le temps, ben, faut être quand même assez créatif pour pas avoir peur de changer les choses puis faire les choses autrement. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une des plus belles qualités d'un entrepreneur, c'est sa naïveté. Parce que si on savait tout ce que ça implique, probablement qu'on s'en serait jamais. Donc, aussi, comme vous allez animer cette soirée-là qui aura lieu à 16h30, aussi, je crois que ça va être une soirée assez chargée. Je ne sais pas si vous connaissez quand même bien le programme demain, parce qu'il réserve quand même beaucoup de surprises. Je pense qu'il va même avoir quelqu'un qui va faire un slam. Je pense que ça va être une réunion aussi de plusieurs entrepreneurs. Ben oui, il va y avoir différents intervenants en fait du milieu coopératif qui vont être là. Puis, évidemment, ben pour agrémenter le tout, on va avoir un petit peu de bière aussi. Fait que la bière va être gratuite en plus. Oh. Fait que je pense que c'est un bel attrait pour venir entendre parler de coopérative. Et puis, donc, il va y avoir entre autres le maire de Lac-Édouard qui va être là. Puis, c'est très intéressant, là, via le Conseil québécois de la coopération mutualité, ils ont eu... Il y a une entreprise de Québec qui est dans le domaine du montage vidéo, si on peut dire ça ainsi, puis qui ont fait vraiment des beaux vidéos, entre autres, en ont fait un sur notre entreprise, puis en ont fait un là, sur le lac Édouard aussi. Puis, donc, c'est vraiment intéressant. Évidemment, c'est très court comme vidéo, mais ça vaut la peine de venir prendre une petite bière puis entendre parler co-op, parce que je pense que de plus en plus, en fait... C'est des valeurs qui rejoignent les gens, parce que de plus en plus, les entreprises changent, évoluent. On n'est plus à l'époque là, des entreprises de 2, 3, 400 employés. En fait, on est rendu dans une époque où c'est le fun d'avoir plusieurs petites entreprises qui s'intègrent dans leur milieu puis qui sont là aussi pour favoriser l'économie locale, mais l'économie à petite échelle, parce que nous, entre autres, via notre pub, ben, on utilise tous des produits de la région. Donc, avec des producteurs locaux, puis eux, en fait, c'est des gens qu'on aide à enrichir. Puis c'est ces gens-là, après, qui ont les moyens de venir prendre une bière au pub. Puis, on fait la même chose au niveau là, des matières premières de notre brasserie. Nous, on utilise tout de l'orge qui vient de la Mauricie, puis qui est bio. Donc, ça fait partie des valeurs, en fait, de l'entreprise. Fait que je pense que ça vaut la peine, finalement, de venir assister à cette petite présentation-là. Dans le fond, c'est quand même pas si long que ça. Ça va durer une heure environ, puis ça va être assez varié. Ah ben excellent. Donc, finalement, on peut comprendre que les gens de Saint-Tite sont bien contents d'avoir reçu des étranges, si je faisais ça comme ça, de Montréal. Donc, ben ouais. Donc, maintenant, vous êtes vraiment des gens de Saint-Tite en tant que tel, une belle entreprise bien établie qui s'appelle À l'affût. Sur ce, M. Dumais, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé une entrevue. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, puis au plaisir peut-être de vous croiser demain au 5 à 7. Ben, excellent. Passez une belle journée. Ben, bonne journée. Bye. Au revoir. Merci beaucoup à monsieur. David, tu nous répètes quels sont les détails de l'événement de demain, c'est-à-dire l'endroit exact, l'heure et tout ça. J'imagine que toi, tu as les détails présentement. Devant moi, avec une feuille de papier, donc c'est demain. En fait, ça s'appelle Coopérative d'ici, notre empreinte sur le monde. Ça, c'est une tournée québécoise qui est organisée par... en fait, je vais vous donner les détails avec l'autre feuille. Ben oui, certainement. Ben oui, ça va tellement mieux quand on a deux. quand on a la bonne feuille, ben oui, ça aide, ça aide. Donc, en fait, c'est un apéro causé. Donc, comme l'a expliqué M. Dumais, il va avoir de la bière gratuite de À l'affût, mais aussi du fromage. OK. Tout ça est gratuit. L'entrée aussi est gratuite. Il va avoir, en fait, une slameuse, Marianne Verville. Je ne sais pas si on peut dire slameur ou slameuse. Ah, je ne sais pas. Hein? C'est une bonne question. J'imagine qu'on peut l'accorder. Donc, la slameuse Marianne Verville va avoir, comme l'a expliqué M. Dumais, des vidéos, des intervenants aussi du monde coopératif. Et pour les gens qui sont intéressés par l'événement qui aura lieu à l'Atrium CAU à l'UQTR, demain soir à partir de 16h30, eh bien, il faut contacter Mme Francine Morin au 418-896-3318 ou à Francine avec un Y, c'est important, donc Francine avec un Y, F majuscule, point Morin, à commercial, CQCM, point coop. Et aussi, en fait, ça, c'est l'événement qui est organisé par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Et ça, c'est ouvert à tous. Là, le grand public peut venir demain sans problème. On a besoin de réserver notre place? Oui, c'est mieux. En fait, sur le site, c'était marqué jusqu'au 30, mais sûrement qu'il y a encore une possibilité. Essayez-vous, puis ça vaut la peine. De la bière gratuite, puis du fromage. Ben oui, on adore ça. Merci beaucoup. Ben bienvenue. Puis aussi, c'est un bon moyen pour les futurs entrepreneurs et futurs entrepreneurs de pouvoir faire du réseautage. OK, oui, t'as raison. David, au retour, tu vas nous parler de musique, quelque chose qu'on aime. Oui. Mais aussi de la Russie. Encore une fois, la Russie, Ukraine, ça va super bien. La Russie, toujours la Russie. Ben oui, tout ça au retour d'avoir écouté Century Palm avec Dan Your Gun sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Youpi! Century Palm, Dan, You're Gone sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM dans l'émission Assemblage requis. David, t'es toujours en studio avec moi en passant, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allô? Oui. Bon retour. Merci. Hey, je suis un peu vite. J'ai comme passé une partie de la nuit. En fait, je vais plugger Écoute donc ça. Je m'excuse. Est-ce que je ne sais pas si je peux le faire? Ben oui, fais-le. Donc, Écoute donc ça, c'est un site musical qui est vraiment intéressant, qui a été en fait mis sur pied par Jacques Boivin il y a quelques années. C'est un gars de Québec qui trippe sur les shows. Puis il s'est dit, ben, ça serait bien de faire un blog. Donc, avec une équipe... des gens de la ville de Québec qui ont décidé de couvrir des spectacles, notamment des critiques de CD, des entrevues avec des artistes aussi. Depuis deux ans, il y a une filiale mauricienne qui est prise en charge par Karina Tardy. Et là, parfois, quand j'ai du temps libre, quand j'en ai, mais bon, en tout cas, ça, c'est un détail dans la vie. Ben, on n'a pas beaucoup de temps libre. Hein? Oui, exactement, on est occupé. Bonjour Mathieu. Ben non, c'est une blague, mais on c'est s'ennuie. C'est ta faute. Ouais, on t'en veut pas. Ben non, c'est pas vrai, mais on s'ennuie de Mathieu. Ben oui, on s'ennuie de Mathieu. Ben, c'est pas vrai, on n'en veut pas, mais on aime sa présence. Oui, c'est ça, exactement. Donc pour revenir à Écoute, donc ça, c'est ça, parfois, je collabore encore des fois. Puis là, j'ai fait une entrevue avec Claude Pelgag. OK. Puis c'est vraiment, en tout cas, l'entrevue est sur la correction, donc ça devrait être publié demain, gros max. Mm-hmm. Mais là, c'est vraiment intéressant, Claude Pelgag, parce qu'elle va donner un show le 12 avril. Oui, Ben oui, le lendemain de la sortie du dernier numéro de Zone Campus. Oh. Le dernier. De l'année. Le dernier, c'est vrai. Ça s'en vient, là. Oh, j'en reviens pas. Donc, David va avoir passé au travers, finalement, de sa première édition. Ouais. Donc, finalement, tout ça pour dire que j'ai passé une nuit à retranscrire une entrevue. Donc, si je suis veg aujourd'hui, je m'excuse. C'est bien correct. Ça va peut-être calmer les... Peut-être que ça va reposer les auditeurs aussi. Ça va peut-être. C'est le temps de ta carte bleachée, c'est ce que tu es en train de me dire. Oui. Oh, c'est parti. Merci Brice de Nice. Ou Brice de Nice, comme quelqu'un au cégep me disait. Oh my God, hein? C'est vrai, il y a des gens qui disaient ça. Oui, on s'obstinait avec des gens qui disaient Brice de Nice. Oh boy. C'est la ville de Nice, parce qu'il n'y a pas de vagues. Mais oui, exactement. Il n'y a pas d'anglais. Là. Arrête-moi l'anglais là-dedans. Mais non. Donc, par contre, il va y avoir un peu d'anglophone dans ma chronique. Je vous présente trois chansons, mais avant, spécial Eurovision encore une fois. Ben oui, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Ben, c'est la grosse bouette, pour ne pas dire autre chose. Pour ne pas dire un autre mot de la même couleur que de la bouette. C'est ça, hein? Donc, ce qui arrive, c'est que là, je vous ai expliqué que la Russie n'était pas contente que l'Ukraine gagne l'Eurovision l'année dernière. Donc, ce qui fait en sorte que l'Ukraine, c'est le pays organisateur, mais on le sait tous quand, il y a quelques années, la Russie, suite à d'un référendum, bon, c'est pas forcé tout à fait, mais bon, il y a des observateurs qui disent que ça a été arrangé, mais en tout cas, la Russie a fait un référendum en Crimée et la Crimée, qui était une région ukrainienne, est devenue russe. Donc là, les Ukrainiens sont pas contents et les Ukrainiens organisent l'Eurovision. Sauf que la Russie, évidemment, n'est pas contente à cause de la chanson de l'année dernière qui était jugée politique. OK. Donc, c'est ça. Donc, c'est un petit topo de mes chroniques précédentes. Et là, finalement, les dernières semaines, la Russie a envoyé, en fait, une jeune chanteuse quand même, assez, qui a l'air assez sympathique, une jolie femme, qui chante depuis des années, qui a été, en fait, seconde dans un X-Factor russe. Je me rappelle plus en quelle année, mais c'est la runner-up, comme on dit. OK. Runner-up. Le runner-up. Oui. Donc là, c'est elle qui concourt l'Eurovision pour la Russie, mais l'Ukraine a dit non. Elle a fait un show en Crimée il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Ne passe pas, tu ne peux pas. Donc là, ça a causé une commotion. La Russie, évidemment, n'est encore pas contente. Et là, il y a même la présidente du réseau, en fait. Bon, UR. Ça, en fait, il y a un réseau qui s'appelle... en fait, la réunion ETA, j'ai comme je l'avais écrit, puis là, j'ai... Mais en tout cas, la présidente qui s'occupe de tout le réseau des réseaux de télévision qui diffuse notamment l'Eurovision et l'Euro en soccer, a écrit une lettre au président de l'Ukrainien pour dire « Non, tu vas accepter la participante. » Oh, OK, quand même, c'est rendu là. Oui, sinon, l'Eurovision, l'Ukraine ne pourra plus envoyer du monde de l'Eurovision pour les prochaines années. Si tu n'acceptes pas la participante de l'Eurovision. Et là, il y a le vice-président ukrainien qui a dit « Bon, on accepte la Russie, mais pas Julia. » Pas celle-là. Non, pas celle-là. Trouvez-nous quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Là, donc, tout le monde se craque le chignon. Ben oui, hein? Donc, la solution simple, c'est que la Russie et l'Ukraine, les deux devraient être exclus de l'Eurovision. Ça serait la solution simple. Ben, selon la solution, oui. Oui, pas juste l'Ukraine, parce que la Russie aussi, qui est pas très gay-friendly, alors que l'Eurovision, on sait que c'est vraiment très gay-friendly. Mm-hmm. a causé des problèmes. Comme il y avait un participant israélien qui était ouvertement homosexuel l'année passée, puis il y avait comme... Parce que l'Eurovision organise quelques concerts avant l'Eurovision. OK. Donc, il invite tous les artistes qui veulent y participer. Il y en a à Londres, à Amsterdam, puis il y en avait un en Russie. Et le participant russe, pas russe, mais israélien, c'est Salah, s'est fait barouetter à l'aéroport. Oh non, tant que ça! Pas violemment, mais ça a l'air qu'il s'est fait accoster pas mal. Oh, OK. Donc, la Russie, il y a des petits problèmes avec aussi. Donc, faudrait juste regarder les vieux pays comme la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Ça va donner une chance à la Grande-Bretagne de gagner enfin depuis 1000 ans. C'est toi aussi, la semaine dernière, qui nous expliquais que l'Italie pourrait avoir des bonnes chances, contrairement à il y a longtemps. Bien, en fait, l'Italie, c'est quand même un bon participant. C'est peut-être, mettons, l'année passée que ça n'a pas été, mais voyez le clip. Mm-hmm. C'est vraiment inquiétant. Dans le fond, c'est une fille de 17 ans qui chante que rien ne pourra diviser personne. Hey, et ça donne l'impression que vraiment, Fleurice Gauthier a commandité le stage. OK, c'est ça. Oui, puis elle tient une fleur, puis elle chante. Ah, wow! Ah, ouais, le voir sur quétaine, c'est quétaine. Oui, vraiment, contrairement à la mise en scène ukrainienne, que là, c'était vraiment du LED, mais vraiment impressionnant. L'Australie aussi avec des hologrammes. Ah, ben oui, c'est sûr. Ah oui, l'Australie torchait, c'était la seconde position. Un pays européen, évidemment. Évidemment. Ben oui, c'est proche de l'Europe, ça, l'Australie. On n'a pas le choix. Ben oui. Donc, tout ça pour faire un petit topo. Et on aurait pu écouter Manal et Do It For Your Lover, mais j'ai pas emmené le topo. Non, on l'écoutera pas. Pas grave. Ou on pourrait écouter les Romaniens, en fait, les Roumains, excusez-moi, de la Roumanie. C'est un duo d'un rappeur et d'une fille qui a d'elle. OK. Ah, je pourrais le clipper, je sais pas. Oh non, avec mon ordinateur, on peut pas écouter les sons. Ouais, non, on peut pas, malheureusement. C'est Yodelit. T'es sur silence. Ah! Ton ordinateur est sur silence. Ah! Mais non, on va épargner ça. On peut écouter Manon Bédard. Manon Bédard. Ben oui, c'est une chanteuse, à moi je me trompe de nom, mais c'est une chanteuse country qui yodelait. Ouais. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Ah, c'est là, papy. Peut-être une carrière de yodeleuse, Tania. Non, merci. Non. Mais tu vas nous faire écouter autre chose, par exemple, ce matin. Ouais, c'est ça. Tout ça pour revenir avec trois artistes différents, vraiment très intéressants. Deux artistes et un groupe. Donc, on s'en va aux États-Unis, mais avant, on va aller au Québec. OK. Mais je pense que là où on s'en va, c'est un peu plus loin que là où on va s'en aller aux États-Unis. Parce D'accord. qu'on s'en va dans la Côte-Nord. OK. Donc, plus précisément à Manitoutenam, qui est une réserve en Côte-Nord. Mm-hmm. Parce qu'il y a un artiste qui s'appelle Matthew qui vient de là. Et la semaine dernière, il a sorti un mini-album éponyme, donc qui s'appelle Matthew, M-A-T-U. Et ça parle en fait, selon le site Radio-Canada, c'est que l'auteur, compositeur, interprète définit sa musique comme du folk bipolaire. Hey boy, OK. Et en fait, lui, son but, c'est de chercher à comprendre les relations humaines et le sens de la vie, la réalité de la réserve, donc réserve autochtone, et celle de la ville. Mais il veut pas faire de la morale, mais juste plutôt raconter des histoires. Et la toune qu'on va entendre, Crépuscule, ça parle de quelqu'un qui s'en va enfin en vacances. OK. Et ça fait penser vraiment à du Canaille, tu sais, le groupe Canaille. Mm-hmm. Il y a tout ce côté-là folk, un peu rapide, un peu hyperactif. Donc, c'est peut-être là que ça vient parce que son mini-album qui a 5 tunes, on peut passer vraiment à quelque chose de très rapide, à quelque chose de beaucoup plus calme. Donc, quand il parle de folk, bipolaire, ça veut peut-être dire ça. OK. Ensuite, une vétérane, auteure, compositrice, interprète des États-Unis, M-Eman, avec la pièce Knock It Off. J'ai failli de dire le K. Knock, knock. Knock It Off. Oui, mais elle se dit tellement bien, Tania. Ah, merci. Donc, en fait, c'est tiré de son album qui est sorti, je pense, vendredi dernier, qui s'appelle Mental Illness. Mm-hmm. Donc, maladie mentale. Ben oui. Carrément. C'est qui s'appelle... En fait, qui est son 9e album depuis 1993. Et elle s'est fait connaître notamment dans les années 80 avec un groupe pop-rock, pas très connu au Québec, mais qui l'est plus aux États-Unis, qui s'appelle Till Tuesday, dont la chanson Voice of Scary a atteint le top 10 du Billboard. Oh, ça, c'était d'accord. dans les années 80. Mais là, depuis ce temps-là, elle s'est convertie en auteure, compositrice, interprète folk qui s'inspire des Beatles de Bob Dylan. OK. Donc, elle s'est faite notamment connaître dans sa carrière solo avec la chanson Save Me du film Magnolia. Et ça, c'est, je pense, 1929, c'est sorti avec Tom Cruise, mm-hmm. Où ce qui jouait un espèce d'animateur gourou. Ouais, ça me dit quoi, ça? Mais c'est le réalisateur de Punch Drunk Love avec Adam Sandler. Ouais, je pense que c'est le pire film de Tom Cruise ever. Ah ouais? Ouais. Moi, j'entends dire tellement bien comment il était bon dans ce film-là. Ah ouais? Ah, ben peut-être qu'il divise, c'est ça. Peut-être qu'on parle pas du même, hein? Ah, peut-être que oui. Peut-être. Mais en fait, on va revenir à Aimé Mann. C'est ça, en fait, c'est elle, je dérape encore, mais Aimé Mann a eu une nomination aux Oscars pour la chanson Save Me. Ah, ouais. Mais oui, mais elle s'est fait coiffer le pion par Phil Collins et son affreuse toune de Tarzan. Oh non! Oui. C'est dommage triste. Oui, elle aurait dû voler l'Oscar et dire non, tu ne méritais pas l'Oscar. Ouais, c'est ça. Je refuse. Oui, faire une Kanye West. Exactement, je m'en allais dire ça. Elle aurait dû faire sa Kanye West. Oui, puis ça aurait été mérité dans son cas. Mais là, on va écouter Knock It Off, qui veut dire... En fait, la toune, c'est l'histoire d'un gars qui a tout gaspillé ses chances auprès d'une fille qu'il aimait, mais finalement, ce qu'Aimé Mann a dit, regarde, décroche, t'as tellement fait le cave que est tannée. Mm-hmm. Va falloir que tu comprennes le message. Allô? C'est ça que ça dit. Ah, c'est ça, hein? Mais de manière plus calme que je l'ai dit. Et la troisième toune, qui a l'air assez bizarre quand je vais l'expliquer, mais je vais vous laisser écouter. Ça s'appelle In Cold Blood de RG. J'ai vraiment des noms de tounes réjouissants. C'est vrai, hein? Crépuscule. Ça va? Moi, oui. Tu veux en parler, David? Moi, oui, mais on pourrait parler aux artistes. C'est ça, exactement. Donc, c'est un extrait du nouvel album du groupe britannique RG qui va paraître le 9 juin. OK. C'est long. Ben oui. C'est long dans le cas de RG. Et ça s'appelle Relaxor. Je sais pas si on voulait faire un mot français avec relaxé, mais ça se lit relaxé, mais ça doit se prononcer sûrement comme relaxeur. OK. La pochette d'album qui est assez étrange dans le cas de RG, parce qu'habituellement, les pochettes d'album, c'est l'espèce de l'art contemporain un peu abstrait. Là, ils ont décidé de prendre une capture d'écran d'un jeu PlayStation qui s'appelle, faites attention, ça s'appelle LSD. OK. Qui a été publié par PlayStation en 1998. Mm-hmm. Là, ça fait un petit peu penser à Night Call, mettons le film avec Ryan Gosling. Ouais, oh, ouais. Ça, la pochette fait penser carrément à ça. Là. Ok. C'est le côté un peu sombre, un peu 3D aussi design. Et le jeu LSD est inspiré du tableau de bord des rêves de Hiroko Nishikawa, qui est un artiste qui travaille pour des jeux vidéo. Ok. Je sens que ça va être fucké. Ouais, je sens que ça va être un petit peu bizarre. Écoute, David, si tu me le permets, on va faire une courte pause et on va écouter tout ce que tu viens de nous dire après la pause. Ça fait ton affaire? Yeah! Wouhou! Vous êtes assez fous. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Oh oui, toujours dans l'émission Assemblage requis avec David Ferron en studio avec moi. David, tu viens de nous présenter les pièces qu'on va aller écouter immédiatement. On commence tout ça avec Mathieu et... Crépuscule. Oh, voilà. Yeah. Je sollicitais toujours un fatigant pour me vendre des moitié-moitié. Rendu à la maison, j'espère ma femme a préparé quelque chose de bon. Bébé, prépare le stock, je vois fouler le troc. Ah ouais, à rivière, les flots capotent. Ça sent le sapin, y'a des maringouins. As-tu qu'on est ben? J'espère qu'on n'a rien oublié. Le cooler, la Watkins, le Paris-Fonté. Oublie la canne à pêche, pas sûr d'aller pêcher. Courons par le trailer épiné, on peut décoller. Courons par le trailer épiné, on peut décoller. Crépite Les saucisses brûlent une game de crib au crépuscule. Ça fait ses forges à peau qui plume. C'est pas qu'on les aime pas, mais une fois les petits couchés, on peut relaxer. Sors la 50, moi je vais rouler. J'en ai pris sa guitare, on est équipé pour veiller tard. Oh, summer vibes get in cold blood. 0-1-1-1-0-0-1-1 crying 0-9 fearing 1-1-1 life is back, slaps the surface of the pool. Pool killer, killer, pool, pool killer, kiss me. Finit bien. On adore ça. David, répète-nous ce qu'on vient d'entendre. In Cold Blood de Triangle. C'était excellent. Avant ça, on a entendu Knock It Off de Amy Mann. Ouais. Et on a commencé avec... Crépuscule de Matthew, mais pour revenir à In Cold Blood, j'ai dit Triangle, mais c'est RG. C'est juste que, selon que j'ai lu dans un clavier anglophone, quand sur un Apple. Tu peux juste faire ça sur un Apple. Mm-hmm. Tu peux pas faire ça sur un Windows. Non, apparemment. On est condamné. C'est vrai. Donc, tu fais un Alt et G, ça a l'air que ça fait un triangle. OK. Donc, le groupe, en réalité, s'appelle Triangle, mais c'est Alt G. Ah, mais on a adoré ça. C'était un très bon bloc musical. Ben, merci. Merci beaucoup pour ta carte bleachée. Ben, ça fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour le Zone Campus. Le dernier de l'année. Le dernier de l'année. Mmh. C'est déjà le temps. Tu sais, il reste que quelques jours à la fin de à la session. Donc, c'est comme ça. Oui. Est-ce que tu vas nous présenter aussi une carte bleachée la semaine prochaine? Bye, si vous voulez, oui. Excellent, on se voit la semaine prochaine. Ouais. Merci, David. Mais ça fait plaisir. Bye. Bye. De notre côté, bien, je me suis dit pourquoi pas continuer comme ça à vous jaser un petit peu. Puis hier, j'ai décidé de faire un nouveau segment dans Tania is gonna entertain ya. Vous allez pouvoir voir chaque semaine... voir, en fait, vous allez pouvoir entendre chaque semaine parler de certaines compagnies, certaines start-up, certains projets. Vraiment, c'est très, très large, mais qui sont soit québécois ou canadiens ou qui sont tout simplement trifluviens. Donc, c'est un nouveau segment. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais ça va revenir une fois par semaine. Et aujourd'hui, bien, c'est la journée que je vais vous en présenter trois que j'ai découvert hier. Tout ça dans Tania is gonna entertain ya. C'est très, très rare hein, qu'on entend cette intro-là dans l'émission, surtout sans la voix à Mathieu par-dessus pour pouvoir dire quoi que ce soit par rapport à l'intro, mais quand même, c'est très drôle. J'adore ça. Comme je vous le disais, aujourd'hui, je vais vous présenter trois compagnies, trois projets, trois startups, trois PME qui sont québécoises ou canadiennes et dont j'ai envie de, un petit peu, pas nécessairement de faire la promotion, mais tout simplement de vous les présenter. Et hier, je me suis permis de poser la question sur mon Facebook personnel, à savoir les gens qui avaient dans mon Facebook, quelle start-up, quelle compagnie ou projet québécois et canadien ils aimeraient entendre parler beaucoup plus comme ça à la radio. Et j'ai eu quelques suggestions, donc tout au long du restant de la session, en fait, vous allez pouvoir entendre ce nouveau segment de Tania is gonna entertain ya une fois par semaine. J'ai comme l'impression que le mardi va être la journée avec laquelle on va travailler pour pouvoir vous les présenter, parce que c'est souvent la journée où j'ai le temps de pouvoir le faire. Alors, la première dont je veux vous parler, en fait, c'est une compagnie d'autobus scolaires électriques québécoises qui est à la conquête des États-Unis. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ça a été créé depuis décembre 2016 et ça s'appelle Société Autobus Lyon. C'est-à-dire qu'on exporte des autobus scolaires électriques jusqu'en Californie. On a 85 salariés et c'est une PME originaire de Saint-Jérôme qui est en pleine progression. On parle d'un chiffre d'affaires qui dépasse les 20 millions grâce justement à un positionnement qui la place comme le seul fabricant d'autobus scolaires électriques à grande capacité en Amérique du Nord. C'est excellent. Je comprends pas pourquoi on l'a pas encore essayé ici au Québec, mais lorsqu'il a monté la société en 2008, le comptable agréé Marc Bédard souhaitait bousculer le milieu conservateur des autobus scolaires, tant au niveau des matériaux qu'au niveau de la motorisation. Donc, en s'associant avec Camille Chartrand, qui est l'ex-président du fabricant de bus scolaires Corbeil, bien, les deux fondateurs ont d'abord mené 3 à 4 années de R&D visant à alléger justement le poids et les coûts d'achat des véhicules. Et après avoir commercialisé de premiers véhicules diesel en 2011, la société a travaillé sur le passage à l'électrique. Donc, on parle de plus de 70 bus scolaires qui sont électriques, vendus à ce jour, et la croissance de l'entreprise provient désormais essentiellement de ce marché-là. En 2017, les véhicules électriques vont représenter plus de 50% de nos ventes, en parlant de la compagnie, bien évidemment. Et ils ont commencé les livraisons dans des marchés comme la Californie. On en a quelques-unes ici seulement au Québec et la Nouvelle-Angleterre surtout. Donc, c'est ce qu'a confié Marc Bédard, le cofondateur de la compagnie, qui, lui, espère vraiment pouvoir doubler le volume des ventes au cours des prochaines années. On parle d'une croissance qui est électrique, donc en tant que seul fabricant d'autobus scolaires électriques à grande capacité en Amérique du Nord, les autobus Lyon s'attendent également à profiter des marchés qui émergent en Amérique du Nord. On le sait, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, on n'a pas nécessairement besoin de le répéter des millions de fois, mais le domaine du véhicule électrique, le domaine de la voiture électrique, c'est vraiment quelque chose en proportion exceptionnelle présentement. Donc, on met ça à profit et c'est à profiter des marchés qui émergent justement en Amérique du Nord que cette compagnie-là a décidé de faire affaire. Donc, l'Ontario s'apprête, par exemple, à lancer son plan d'électrification des transports, un peu comme le Québec, qui a l'objectif d'atteindre les 100 000 véhicules électriques vendus d'ici 2020. Et on regarde aussi des États à tendance verte, comme par exemple le sud Washington ou New York. Et en vertu de ces développements-là, bien, les exportations pourraient même devenir dominantes à compter, pas à compter de 2020, là. Non, à compter de 2018. Donc, c'est dans vraiment pas longtemps. Et pour doper les ventes un petit peu, bien, Autobus Lyon a recruté des distributeurs qui sont spécialisés. Préalablement, ils ont été formés en vue de pouvoir réaliser l'entretien des véhicules électriques et ils pensent à ouvrir une usine du côté américain d'ici 4 ans, même si le site principal va toujours rester dans les Laurentides. Et côté financement, bien, la société a réalisé 2 rondes en 2011 et en 2015, dont les montants n'ont pas été révélés auprès des investisseurs privés. Entre autres, on avait ex-PND Capital, le fonds d'Alexandre Taillefer qui est derrière la flotte de taxis électriques québécois Théo, et aussi d'autres rondes de financement qui ne sont pas exclues pour conserver justement l'équilibre financier de cette PME. Mais on parle d'un marché qui est subventionné quand même, parce que les véhicules d'Autobus Lyon, ça possède pour l'instant une autonomie de 150 km, ce qui est un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2 à 3 ans. Leur alimentation se fait via des bornes que le client achète auprès de fournisseurs qui sont recommandés par la société. Donc, les clients ont le choix, en fait, entre 5 à 6 fournisseurs principaux pour un coût net d'environ 2 000 $ pour chaque borne et leur achat est remboursé à 50% par le gouvernement provincial. Donc, c'est à un tarif de 300 000 $ et les véhicules sont éligibles à une subvention de 125 000 $ de la part du gouvernement du Québec, ce qui ramène le prix d'achat à approximativement à 175 000 $. C'est difficile de parler du prix sans la subvention. C'est ce que dit les concepteurs de cette PME-là. Mais tant l'incitatif joue une place importante pour l'essor de ce marché-là, et ce dernier reste quand même confiant parce que la tendance est plutôt à l'arrivée de nouveaux plans verts dans les provinces canadiennes, et les gouvernements fixent toujours un horizon de 5 ans à l'intérieur duquel on s'attend à ce que l'augmentation des volumes et la maîtrise de la technologie justement puissent faire fondre la différence de prix qui existe présentement entre le diesel et l'électrique. Donc, on fait un pari sur l'avenir avec tout ça. On fait un pari de constructeur aussi, mais j'adore ça. Ça a été créé en 2008, un chiffre d'affaires annuel, je vous le répète, de 20 millions. Marché qui est desservi, on parle du Canada, des États-Unis, et le siège social est à Saint-Jérôme, toujours dans l'objectif de pouvoir développer les ventes de son nouvel autobus électrique au Canada et aux États-Unis. J'adore ça, c'est excellent. J'ai été contente de pouvoir tomber sur cette fameuse petite PME-là. Le prochain dont je veux vous parler, en fait, il a déjà fait parler dans certains médias, c'est Big League, réseau sportif privé. Qu'est-ce que Big League? En fait, Big League, c'est un média social qui réunit l'athlète, sa famille, ses partisans, son équipe et son organisation sportive. Donc, on parle grâce aux efficacités de communication qui sont offertes, aussi qu'à l'expérience sportive positive qui va être générée. Bien, Big League offre une solution parfaite pour engager les communautés sportives envers les valeurs sportives d'origine. Donc, si vous allez sur le site internet de bigleague.com, que vous allez dans la section français, bien évidemment, et là, j'essaie de le faire en direct, puis ça... OK, c'est bon. On est là, tout est beau. Comment est-ce que ça fonctionne un peu? Bien, vous allez créer votre propre réseau de sportifs privés. Vous allez pouvoir regrouper votre communauté sportive, que ce soit des athlètes, que ce soit les familles, les équipes, les organisations ou les partisans. Bien, ça va être possible à partir de ce réseau social-là. Les athlètes, vous allez pouvoir suivre et partager votre évolution sportive toujours sur le même site Internet. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir l'option d'avoir, par exemple, un calendrier personnel, un fil d'actualité sportive. Vous allez avoir vos historiques et vos statistiques. Vous allez bien évidemment avoir un profil avec vos amis sportifs, c'est-à-dire que peut-être vos coéquipiers dans votre équipe si c'est un sport d'équipe. Et vous allez avoir aussi le droit à une messagerie privée. Pour les partisans, bien, vous allez pouvoir encourager vos athlètes et vos équipes sur ce site Internet-là. Vous allez pouvoir trouver vos athlètes, vos équipes, vos réseaux sportifs en cherchant directement sur le site Internet. Par la suite, vous allez pouvoir avoir un calendrier qui va être défini selon les équipes que vous voulez suivre ou les athlètes que vous voulez suivre. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, je sais pas, je dis ça comme ça, avoir du côté du soccer, parce que je sais que l'association de soccer de Trois-Rivières fait maintenant partie de Big League. Donc, vous pourriez, par exemple, mettre une équipe en particulier de l'association trifluvienne de soccer dans votre calendrier et une autre si vous voulez pas suivre le réseau en entier. Par la suite, vous allez bien évidemment vous aussi pouvoir avoir un fil d'actualité sportif, une messagerie privée et vous aussi pouvoir vous créer un profil avec vos amis sportifs. Pour les familles, bien, c'est tout simplement de simplifier la logistique familiale qu'il y a autour des athlètes ou autour de la famille quand vient le temps de faire un sport. Donc, vous allez pouvoir avoir, par exemple, avoir un calendrier familial. Si vous avez 3 enfants et les 3 partagent un sport différent, pratiquent un sport différent, parfois, d'arriver à faire ce fameux calendrier familial-là, c'est quand même assez difficile. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous offrir sur Big League, de pouvoir organiser votre calendrier selon ce que vos jeunes bouchous font durant la fin de semaine ou la semaine. C'est-à-dire que, par exemple, si lundi, il y en a 2 qui sont en pratique, le mardi, il y en a 1 qui est en pratique, le mercredi, il y en a 1 qui a un match, le vendredi, il y en a un autre qui a un match préparatoire, ou peu importe, bien, vous allez pouvoir mettre tout ça à l'intérieur d'un seul même calendrier et vous faire un horaire qui va être beaucoup plus facile à suivre. Vous allez, vous aussi, pouvoir avoir un fil d'actualité sportive, messages privés et tout ça. Mais vous allez pouvoir aussi voir les profils des parents et des enfants qui font partie de l'équipe de votre enfant. Donc, c'est vraiment bien. Vous allez pouvoir communiquer avec les différents parents, avec les coachs et tout ça. Et pour les équipes, eh bien, on parle d'optimiser la gestion de votre équipe. On parle, bien évidemment, des résultats, des classements. On parle aussi d'outils d'efficacité. Vous allez pouvoir créer des discussions d'équipe. Même chose pour le calendrier d'équipe. Donc, vous allez pouvoir ajouter vos athlètes à ce fameux calendrier-là. Je trouve que c'est une très belle initiative. C'est c'est complet comme réseau social. C'est sûr que si vous n'êtes pas nécessairement impliqué dans le monde du sport récréatif ou peu importe, ça vous rejoint peut-être pas nécessairement, mais c'est une très belle initiative. Ça vient de Shawinigan et je trouve que ça mérite le petit oomph qu'on va leur donner dans les médias pour justement faire connaître ce réseau sportif-là, qui est quand même, rappelons-le, un réseau sportif privé qui existe depuis 2012. Donc, on travaille là-dessus depuis quand même un bon nombre d'années. Ça fonctionne bien. Présentement, si jamais ça vous intéresse, il y a une application mobile aussi que vous pouvez télécharger pour l'avoir sur votre cellulaire. Donc, tout ça va être quand même assez facile et ça va faire en sorte que vous allez avoir une meilleure gestion de votre sport, de votre calendrier, de votre famille, ou peu importe votre organisation. C'est comme ça que vous allez pouvoir bénéficier de Big League. Je le rappelle, ça s'appelle Big League, mais B-I-G-L-I-G. Il n'y a pas de U-E à la fin de League. Le troisième projet dont je veux vous parler, en fait, c'est un projet qui a été parti de trois élèves ici à l'UQTR qui sont étudiants en marketing et qui sont passionnés de communication et du marketing. C'est le blog Conseil 360. Donc, qu'est-ce que Conseil 360? En fait, il ne faut pas s'attendre à ce que vous puissiez lire des récits de voyage ou quoi que ce soit, mais vous allez plutôt être offert comme conseil. Donc, des conseils de voyage, bien souvent. Vous savez, voyager, ça coûte de plus en plus cher. Il y a plusieurs normes à respecter. Ça devient un petit peu difficile à un certain moment de se retrouver dans ce domaine-là. Surtout si vous n'êtes pas nécessairement habitué de voyager. Si vous êtes en train de planifier, par exemple, un premier voyage pour cet été entre amis, c'est la première fois que vous allez voyager seul, sans vos parents ou peu importe, sans vos enfants aussi, peut-être. Eh bien, ce blog-là va vous amener ce genre de conseils-là. Donc, depuis quelques années, il y a des agrégateurs comme, par exemple, Airbnb qui permettent justement de louer différents types de logements selon la destination où vous allez. Puis, ça passe vraiment de toutes les gammes de prix, là. Ça va vraiment dépendre de votre portefeuille à vous. C'est un petit peu le même principe pour plusieurs plateformes, soit qui vont vous offrir des vols vraiment pas chers, soit qui vont vous offrir des locations de voitures, donc transport, tout ça. Il y a plusieurs plateformes qui parlent de voyage, mais c'est le même principe pour la plupart d'entre eux et ça nous permet d'acheter des billets d'avion, de louer un emplacement et tout ça. Mais par contre, ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que la majorité des personnes qui utilisent ce type de plateforme-là, oui, se renseignent pas très bien et ça effectue leur réservation un petit peu à l'aveuglette, là, un petit peu n'importe comment. T'étais pas trop sûr si tu viens de faire le bon coup. Tu sais pas si tu devrais vraiment prendre ces billets d'avion-là. T'as vu quelques photos du Airbnb, mais t'es comme pas trop sûr. Donc, vous portez peut-être pas la même attention que si vous étiez, par exemple, dans un bureau de conseil de voyage pour des détails qui sont quand même importants. Donc, le rôle de Conseil 360, c'est de vous fournir justement des conseils afin de mieux organiser votre voyage ou encore l'utilisation de ces fameuses plateformes-là pour justement éviter les mauvaises expériences et les mauvaises surprises. Donc, il y a déjà quelques articles sur le blog et comme je le disais, ce sont trois élèves de l'UQTR qui ont parti ça. C'est dans le cadre d'un cours, donc vous avez plusieurs onglets. Tout à l'heure, on parlait d'Airbnb, bien, vous avez l'onglet hébergement, vous avez aussi l'onglet transport, voyage, blog, qui est un petit peu plus one-on-one, là, comme si vous aviez une conversation avec eux. Donc, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes déjà à vous dire « Moi, cet été, je pars en voyage, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre », bien, allez faire un tour sur Conseil 360, c'est super facile et vous pouvez, bien évidemment, juste aller voir la page Facebook. Vous allez pouvoir avoir un lien direct sur tous les articles qui se retrouvent sur le site Internet. Voilà. C'était les trois PME, start-up, projets québécois, canadiens que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et c'est déjà ce qui met fin, en fait, à l'émission. Parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? À un moment donné, il faut arrêter de parler comme ça. C'est pas de bonne grâce ou de mauvaise grâce ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a un horaire à respecter. Et un petit peu plus tard, eh bien, vous allez pouvoir entendre, connaître ensemble sur les ondes de C'est fou à partir de midi. Un petit peu plus tard, dans dans la journée, vous allez avoir à 14h les palmarès C'est fou. Réanimation à 19h jusqu'à 21h. Par la suite, c'est Matière noire et les choix de l'enfer plus tard en soirée. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Surtout, bon café. J'espère que vous allez, comme je vous disais, j'espère que vous allez passer une très bonne journée. Et nous, on se dit à demain. Bye tout le monde!